One, two, buckle my shoe. Buckle my three, shoe. Four, we gotta hit the stove. Five, six, back in the mix. Seven, eight, Warren G and Nate. Bonjour, c'est Bozik. Bienvenue dans le Soul Train, l'émission qui parle de la musique soul, mais pas que. Mais trêve de fioritures, lançons tout de suite le Soul Train. Sex is in the road. It's almost midnight. And I've been dying to kiss you under the moonlight. Sex is in the road. There's no need to run away. Girl, I'm begging you, please, won't you stay? Came along at just the right time. I get a cool sensation with you. Sex is in the air. It's almost midnight. Almost midnight. And I've been dying to kiss you under the moonlight. I've been sex is in the air. There's no need to run away. There's no need. Girl, I'm begging you, please, won't you? Up and down my body, I've got nothing that I want to hide. Flicking eyelids drives me crazy. I get a strange warm feeling inside. Sex is in the air. It's almost. Sexy Cinderella. Ce titre de Lydon David Hall est issu de l'album Medicine for My Pain, sorti le 1er septembre 1997. Lydon David Hall est né le 7 mai 1974 à Wandsworth, South London. En 1998, il gagne le prix de meilleure révélation au Mobo Award, Music of Black Origin. Son premier album, Medicine for My Pain, rencontre véritablement le succès après avoir été remixé. D'ailleurs, le morceau que vous avez écouté est la version remixée. Il sort deux autres albums, The Other Side en 2000 et In Between Jobs en 2005. En octobre 2003, on lui diagnostique la maladie d'Hodgkin. Il décède le 14 février 2003, à l'âge de seulement 31 ans. Trust in me, in all you do have the faith I have in you. Love will see us through if only you trust in me. Why don't you trust me? Come to me when things go wrong. Cling to me, Daddy. Oh, yeah, and I'll be strong. We can get along, we can get along. Oh, if only you trust in me. While there's a moon on high. Whoa, there are birds, birds to fly. While there is you and I can be sure that I love you. Oh, stand beside me, all the while. Come on, Daddy, face the future. Why don't you smile? Trust in me, and I'll be worthy of you. Oh, yeah, yeah. Why don't you trust in me? And all you do, and have the faith I have in you. Oh, and love will see us through if only you trust in me. Yeah, yeah, yeah. Why don't you come to me when things go wrong? Cling to me and whoa, and I'll be strong. We can get along, we can get along. Oh, if only you trust in me. Yeah, yeah. Trust in me. Cette chanson de Etta James est issue de l'album Atlas, sorti le 15 novembre 1960. Ce titre est une reprise. La version originale est écrite en 1937 par Ned Hoover, Milton Edger et Gene Schwartz. Divers artistes l'interpréteront, de Mildred Bailey à Beyoncé. Etta James, de son vrai nom James Etta Hawkins, est née le 25 janvier 38 à Los Angeles, Californie. Elle reçoit son premier entraînement vocal dès l'âge de 5 ans par James Earl Hines, directeur musical de la chorale Écho d'Éden de l'église Saint-Paul-Baptiste. En 1950, après la mort de sa mère adoptive, sa mère biologique l'emmène au Fillmore District à San Francisco. Pendant ces années, elle forme un groupe, les Créolettes. À 14 ans, elle rencontre Johnny Otis, un producteur et chanteur qui a découvert bon nombre de talents comme Jackie Wilson. Il l'aide à faire signer les Créolettes sur le label Modern Records. Il en profite pour faire changer le nom du groupe qui s'appelle dorénavant The Peaches. C'est lui qui transforme son nom de scène, James Etta, en Etta James. Le premier succès du groupe, Dance With Me, sorti en 1955, se classe numéro 1 au Hot Rhythm and Blues Tracks Chart. Ceci leur permettra de faire la première partie de la tournée de Little Richard. La carrière solo de Etta James débute en 1960. Son premier album, Atlas, est remarqué, car il est assez éclectique. On passe de standard de jazz à du doo-wop et du rhythm and blues. Cet album se classera 47e au Billboard 100. Etta James, c'est une carrière avec 28 albums. Le dernier, The Dreamer, est sorti en 2011. C'est 6 Grammys et 17 Blues Music Awards. Elle est intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame en 93, au Grammy Hall of Fame en 99 et au Blues Hall of Fame en 2001. Après une vie tumultueuse et compliquée, famille d'accueil, addiction à l'héroïne, une leucémie l'emporte le 20 janvier 2012. Who call my name? Call My Name. Ce titre de 112 est issu de l'album éponyme sorti le 27 août 1996. Il contient un sample de la chanson Walk On By de Isaac Hayes. L'aventure 112, qui s'appelle Forte à l'époque, débute en 1993. Au départ, ils sont 6. Darren Jones, Michael Mike Kiss, Reginald Finlay, Eldon Lagon, Quince Q Parker et Marvin Slim Skendrick. Le groupe a une certaine notoriété en chantant dans les écoles et églises d'Atlanta. Remarqué par Courtney Stills et Kevin Wells, celui-ci leur obtient une audition à l'Atlanta's Club 112 à Buckhead. S'ensuit une autre audition devant Puff Daddy, Chucky Thompson, Faith Evans et Usher. Le patron de Bad Boys Records est conquis et signe Darren, Mike, Q et Slim. Ils deviennent ainsi 112 en hommage au club où ils auditionnèrent devant Puff. 112, leur premier album, obtient un succès critique et devient double platine. Ils accueillent aussi des artistes de Bad Boys, dont Puff, Notorious B.I.G. et Maze. Suite à cet album, ils font la première partie des Isley Brothers, à la demande de Ron Isley, en personne. Ils font aussi des tournées avec Kiss Sweet, New Edition et bien évidemment Puff Daddy and the Family, pendant 18 mois. Après ça, ils tournent avec Whitney Houston et Janet Jackson. 112 enregistre deux autres albums avec Bad Boys Records, Room 112 en 98 et Part 3 en 2001. Il quitte Bad Boys en 2002, suite à des divergences d'opinion, et signe chez Def Soul, une filiale de Def Jam, dans la foulée. Ils sortent deux albums, Hot and Wet en 2003 et Pleasure and Pain en 2005. En 2006, Def Jam les libère de leur contrat. Le groupe se sépare et chacun travaille sur son album solo. En juin 2015, le groupe se reforme pour la cérémonie des BET Awards, et en octobre 2007 sort leur sixième album, le premier depuis 12 ans, Q, Mike, Slim, Darren. Thank you. I'm Not the Enemy. Ce titre de Lina est issu de l'album Stranger on Earth, sorti le 21 août 2000. Lina, de son vrai nom, Shelina Wade, est née à Denver, Colorado. Elle commence à chanter dès l'âge de 4 ans, à l'église. Sa carrière débute en tant qu'auteur en 1998, en écrivant pour le premier album de Tyrese. Sa carrière solo débute en 2000. Elle signe chez Atlantic Records et dans la foulée sort son premier album, Stranger on Earth. Le single éponyme est une reprise d'une chanson de Dinah Washington. Cet album se place dans les 10 meilleurs albums de l'année. En 2003, elle part d'Atlantic et signe chez Eden Beach Records et en profite pour monter son propre label, Moodstar Recording. Même si elle est moins connue et moins médiatisée, sa carrière continue de fort belle manière et son dernier album, Love Ride, est sorti en 2015. Thank you. You Still Feel the Need, ce titre des Isley Brothers, est issu de l'album Harvest for the World sorti en mai 76. Ronnie Lawes, un des membres de Earth, Wind & Fire, en fera une reprise en 98. Le groupe est originaire de Cincinnati en Ohio. D'abord composé des trois frères O'Kelly, Rudolph et Ronald, ils sont rejoints par Vernon, le quatrième frère. Le groupe commence à chanter en 54 et atterrit dans l'émission Amateur Hour de Ted Mack, un télécrochet. Ils gagnent la compétition et partent en tournée dans l'Est des États-Unis. Malheureusement, Vernon meurt heurté par une voiture alors qu'il n'a que 13 ans. Le groupe se sépare suite à cette tragédie, mais se reforme en 57. Il quitte Cincinnati pour New York. Il rencontre Richard Barrett et George Gollner qui enregistrent leurs premiers titres, qui seront des succès locaux. En 59, RCA Records leur offre un contrat. Leur première composition, Shout, se vend à 1 million d'exemplaires. Les autres singles ne connaissant pas le même succès, les frères Isley quittent RCA pour signer chez Scepter Records, qui leur offre leur premier top 40 avec le single The All Heart of Mine. En 65, ils font un passage éclair chez la Motown, qu'ils quittent en 68. En 69 sort It's Your Thing, avec la maison de disques Buddha Records. C'est leur plus gros succès. Ils se classent numéro 2 au Hot 100 et numéro 1 au R&B Chart. C'est aussi la deuxième fois que le groupe vend 1 million d'exemplaires. En 86, Kelly meurt d'une crise cardiaque juste après la sortie de l'album Masterpiece. Marvin, quant à lui, se voit amputer des deux jambes à cause du diabète. Le groupe continue cependant en duo avec Ron et Ernie, et il est toujours en activité aujourd'hui. Son dernier album, Power of Peace, est sorti en 2017. En 60 ans de carrière, ils auront sorti 31 albums studio. 16 d'entre eux sont top 40 au Billboard, 13 sont certifiés or, platine et multiplatine. Ils sont intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame en 92. Yeah. Enki Sentel. Ce titre de Yolanda McCulloff est issu de l'album Watching You, Watching Me, sorti en 82. C'est une reprise de la chanson de Kerry Lucas, sortie en 97. La reprise est écrite par Dennis Williams. J'ai assez peu d'informations sur Yolanda McCulloff. Elle débute sa carrière à l'âge de 13 ans à Détroit, Michigan. Elle chante pour des pubs et en 74, elle est la choriste sur l'album d'Eddie Floyd, Soul Street. Elle déménage à New York en 75 et continue sa carrière de choriste en chantant pour Diana Ross, Tina Turner, Luther Vandross, Quincy Jones entre autres. Elle débute sa carrière solo en 79 et sort 3 albums. Love Zone en 79, Yolanda McCulloff en 81 et Watching You, Watching Me en 82. Merci à vous d'avoir écouté ce numéro du Soul Train. Pour nous accompagner jusqu'à la fin, je laisse la place à Maxwell qui nous interprète Gravity, Pushing to Pull. Au revoir et à une prochaine fois dans le Soul Train.